Matière et mémoire est un essai sur les rapports du corps à l'esprit qui paraît en 1896 et dans lequel Henri Bergson affirme vouloir se placer du point de vue d'un esprit qui ignorerait les discussions entre philosophes. L'intention est louable, mais l'ouvrage est redoutable, tant par sa technicité que par son acuité. Alors comment Bergson, le penseur du vivant et de la vie spirituelle, en vient-il à affirmer que notre perception et notre connaissance sont entièrement guidées par le souci de rester en vie? La vie, zizi, n'est qu'illusion. La vie te dit ni oui ni non. Mais la vie, c'est long. Pour qui a de l'imagination? L'amour, zizi, c'est oui, c'est non. C'est pour la vie, c'est pour de bon. Mais la vie, c'est long. Zizi, fais pas trop d'illusions. Aimer, y a pas 36 façons. Vas-y et sans hésitation. Mais la vie c'est long. Zizi, t'es là de toute façon. Paris, bandit, joli garçon. Des petits ennuis à l'horizon. Oui, la vie c'est long. Finir sa vie au violon. Puis tant pis, et à quoi bon se faire du souci, se faire du mouron? Si la vie c'est long. Mais zizi, tes illusions. Bonjour Frédéric Worms. Bonjour Adèle Van Rett. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous connaissez Zizi Jeanmar, je suppose? Je connaissais la chanson, je me souvenais pas que c'était elle qui la chantait, mais elle est très appropriée. Et la vie, c'est long, chante-t-elle, et elle ignorait en chantant cette chanson qu'elle serait encore en vie, puisqu'elle est encore en vie, elle a 96 ans, ça mérite de le dire. La vie n'est qu'une illusion, dit-elle, le moins qu'on puisse dire, c'est que Henri Bergson dirait l'inverse, non? La vie, en effet, est profondément réelle, et la preuve, c'est le temps, hein, la durée, mais aussi la précarité de la vie elle-même. J'espère que Zizi Jeanmar a bien traversé l'épreuve de la pandémie. On sait que ça nous rappelle justement la réalité de la vie. C'est toujours quand même la mort qui nous rappelle la réalité de la vie. Pour certains, la mort prouve l'illusion de la vie, comme si nous n'étions rien. Pour moi, et je pense pour Bergson aussi, elle en prouve au contraire la réalité, puisque nous luttons contre la mort et que notre réalité est prouvée par ce qui nous affecte. Vous êtes Frédéric Worms, philosophe, professeur à l'École normale supérieure, directeur du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Bergson et notamment de l'introduction à Matière et mémoire, le livre qui nous accompagne cette semaine. Votre introduction date de 1997. J'imagine que ce travail vous accompagne encore aujourd'hui. Bah, je suis pas tout à fait comme Zizi Jeanmar, mais je dis souvent qu'en étude bergsonienne, je suis devenu grand-père. Je suis devenu grand-père en étude bergsonienne. C'est vrai que, au moment où je travaillais sur Matière et mémoire, ce livre et l'œuvre de Bergson en général étaient tombés justement dans une sorte d'oubli, ou en tout cas de méconnaissance, et il fallait les reprendre. Et depuis, moi, je suis très heureux qu'il y ait eu déjà une, voire deux générations de lecteurs. Et maintenant, je crois que je retrouve ça, moi, depuis les questions plus personnelle, comme s'il m'avait fallu tout ce parcours pour y arriver à travers Bergson, un peu l'histoire de la philosophie du XXe siècle, les questions du vivant aujourd'hui et maintenant le vivant et la politique d'ailleurs. Alors, Matière et mémoire date de 1896, je l'ai dit. L'essai que l'on connaît de Bergson, qui a été publié avant, c'était en 1889, l'essai sur les données immédiates de la conscience. Il y en a eu d'autres aussi qui sont moins étudiés. Et j'ai dit dès le début de cette émission, l'honnêteté m'a commandé de dire que c'était un ouvrage difficile, et surtout le premier chapitre dont on va parler ensemble ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est difficile? Bergson lui-même l'a reconnu, hein, Adèle Van Rett, puisque d'une certaine façon, l'ouvrage commence par un avant-propos, et même par deux avant-propos. Il y avait un avant-propos à la première édition, pour qui Bergson ne pensait pas que ce serait un livre difficile, sur lequel il y aurait des contresens, et puis pour la septième édition, et en fait surtout après la première traduction en anglais, il a rédigé un deuxième avant-propos pour clarifier certains malentendus, surtout liés au premier chapitre d'ailleurs. Donc ça prouve bien que Bergson lui-même a compris. À sa grande surprise, ce livre s'est trouvé difficile. J'avoue que maintenant, il ne me semble plus si difficile. Il me semble même lumineux et il l'a toujours été pour moi. Mais c'est vrai que sa difficulté fait partie de son charme, en un sens. Il y a une radicalité très profonde. On sent qu'il se passe quelque chose de majeur. Deleuze disait que c'était un des deux moments où, dans l'histoire de la philosophie, avec l'éthique de Spinoza, où la philosophie a touché à l'essentiel. Et on peut dire aussi que une des preuves des difficultés, c'est aussi les contresens parfois profonds et féconds, et aussi aujourd'hui la fécondité positive du livre. À mon avis, aujourd'hui, il doit nous orienter dans des questions très inattendues, très contemporaines et presque dans tous les domaines. Alors, on va commencer la lecture ensemble. On va entendre les premières lignes du premier chapitre de Matière et mémoire. Le chapitre s'appelle « De la sélection des images pour la représentation, le rôle du corps ». Et ce qu'il nous propose, dès le départ, c'est une sorte d'expérience de pensée que voici. Nous allons feindre pour un instant que nous ne connaissions rien des théories de la matière et des théories de l'esprit, rien des discussions sur la réalité ou l'idéalité du monde extérieur. Me voici donc en présence d'images, au sens le plus vague où l'on puisse prendre ce mot, images perçues quand j'ouvre mes sens, inaperçues quand je les ferme. Toutes ces images agissent et réagissent les unes sur les autres dans toutes leurs parties élémentaires, selon des lois constantes que j'appelle les lois de la nature. Et comme la science parfaite de ces lois permettrait sans doute de calculer et de prévoir ce qui se passera dans chacune de ces images, l'avenir des images doit être contenu dans leur présent, et n'y rien ajouter de nouveau. Pourtant, il en est une qui tranche sur toutes les autres, en ce que je ne la connais pas seulement du dehors, par des perceptions, mais aussi du dedans, par des affections. C'est mon corps. Je vais formuler purement et simplement ce que je sens et ce que je vois. Tout se passe comme si, dans cet ensemble d'images que j'appelle l'univers, rien ne se pouvait produire de réellement nouveau que par l'intermédiaire de certaines images particulières dont le type m'est fourni par mon corps. C'est le comédien Éric Arson-Macarel qui prête sa voix à Bergson pour cette semaine et je l'en remercie. Alors voilà l'expérience de pensée. On fait comme si on était totalement ignorant des théories de la matière et des théories de l'esprit pour s'imaginer être en présence d'images. Et parmi ces images, il y en a une qui ressort, il y en a une qui est particulière, c'est le corps. Pourquoi, Frédéric Worms, Bergson a-t-il besoin de nous demander de feindre une ignorance? Ou alors, quand cette ignorance est réelle, c'est encore mieux, pour pouvoir affirmer que notre corps est une image particulière. Alors, le mot « image » dans ce chapitre, et dès la première page, hein, magnifique, qu'on vient d'entendre et qui a fasciné des générations de lecteurs, le mot « image » a donné lieu à beaucoup de malentendus, et c'est lui que Bergson, d'ailleurs, dans le deuxième avant-propos de 1911, a tenu à clarifier pour ses lecteurs, parce qu'il a donné lieu à beaucoup de malentendus ou de contresens. Mais pour comprendre son sens, il faut repartir du problème qui est celui de matière et mémoire, et qui est hérité, comme vous l'avez dit aussi vous-même, du premier livre de Bergson, l'essai sur les données immédiates de la conscience. Dans ce livre, Bergson distinguait profondément le temps, ou plutôt la durée, et l'espace. Et il disait que notre esprit, hein, c'est le cœur de sa pensée, notre esprit méconnaît le temps parce que, au lieu d'être vivre dans le temps, il le spatialise. Et parce que, par exemple, nous réduisons le temps à des instants simultanés sur une horloge ou à des aiguilles sur une horloge pour agir, justement. Et on va y revenir sans doute. Et en fait, il y avait une question qui restait cachée dans le premier livre de Bergson, c'est pourquoi est-ce que nous spatialisons le temps? Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas dans le temps? Pourquoi l'espace? Et ce que découvre Bergson dans Matière et mémoire, c'est que, au fond, nous avons besoin de spatialiser pour vivre. C'est parce que nous sommes des êtres vivants et donc nous déformons Nous déformons le temps réel en nous et dans le monde, c'est important, nous le déformons à travers l'espace. Et la question que se pose Bergson, c'est celle-là dans Matière et mémoire, c'est celle qui arrive au milieu du livre. Mais elle le conduit à un autre problème, et bizarrement il a inversé l'ordre des problèmes dans l'ordre du livre, c'est pour ça que ça surprend beaucoup. Et cet autre problème, c'est... Au fond, si nous déformons le réel à travers l'espace, est-ce que ça veut dire que nous vivons dans une fiction ? Kant disait que nous ne connaissons pas les choses mêmes parce que nous vivons dans les phénomènes. Nous les voyons à travers l'espace et le temps, à travers nos sensations. Donc nous sommes coupés du monde. Est-ce que Bergson va dire la même chose ? Eh bien non. Pour Bergson, nous spatialisons, donc nous déformons, mais nous déformons pour des raisons réelles, à cause de notre corps vivant, et nous déformons le monde réel, c'est-à-dire ce monde qui nous entoure réellement. Et le mot « image » est là pour dire, en fait, les images sont dans le monde réel, mais malgré tout, avec mon corps, je les déforme en partie, je les spatialise. Et ce que Bergson veut dire à travers le mot « image », c'est justement un peu, il joue avec le sens, c'est pour ça qu'il y a eu des contresens. L'image n'est pas dans notre esprit, l'image n'est pas une représentation. Vous voyez bien le titre du chapitre que vous avez rappelé, hein, de la sélection des images pour la représentation. Les images sont les choses mêmes, et nous les sélectionnons pour la représentation. Et sélectionner, c'est toujours spatialiser. Pour Bergson, le monde est un ensemble de phénomènes ou d'images, comme on voudra, ou de choses. Et mon corps, pour agir, découpe dedans. C'est un peu comme, je crois que c'est d'ailleurs plus clair avec l'image de l'aveugle, paradoxalement, quand nous tâtonnons, nous isolons une poignée de porte, une poignée de fenêtre. Eh bien, c'est cela, percevoir, c'est prélever sur les images du monde celles qui vont nous intéresser. Et dans le premier chapitre, dans la première ligne, c'est comme ça. Quand j'ouvre les yeux, je perçois des images, mais quand je les ferme, elles sont encore là. Elles sont inaperçues quand je les ferme. Ça veut dire qu'elles ne disparaissent pas, mais simplement je ne les perçois plus. Mon corps est une sorte d'appareil à rendre les images visibles, ou plutôt à rendre certains contours des images, à sélectionner des parties du monde pour son action, à faire apparaître sur le fond du monde ce qui va nous intéresser. Et donc c'est ce surgissement, tout à coup, de le premier chapitre. Mais vous voyez, ce surgissement, Bergson va en creuser peu à peu les conditions. C'est notre corps, à travers notre corps, c'est l'espace, et cet espace nous masque la réalité du monde malgré tout, parce que derrière, par exemple, le morceau de sucre que je découpe, eh bien, il y a la durée, il y a le flux du réel, le flux des images qui est caché par ce que j'en découpe, j'en prélève pour agir, par mon corps. Alors, vous avez dit que pour Bergson, l'image n'était pas une représentation, qu'elle était la chose elle-même. Et pourtant, Bergson nous met bien en garde dans l'avant-propos en insistant sur le fait que par image, il entend une certaine existence qui est plus qu'une représentation, mais moins aussi qu'une chose. L'image est une existence qui, dit-il, se situe à mi-chemin entre la chose et la représentation. C'est ça qui est difficile à comprendre, parce qu'il dit d'emblée, il n'est dit du côté de l'idéalisme, qui est du côté de la représentation, voilà, ni du côté du réalisme, qui justement pense qu'on a accès aux choses elles-mêmes. Il est entre les deux. Qu'est-ce que c'est que cette voix étrange qu'il explore ? Oui, parce que les images sont en fait les choses elles-mêmes. Hein, et d'ailleurs, quand Bergson le dit à la fin du paragraphe que vous avez lu, « Mon corps est une image parmi les images, mon corps est bien réel », comme on l'a vu avec la vie et la mort d'ailleurs. Mais en réalité, cette réalité... Bergson va découvrir, plutôt dans le quatrième chapitre, qu'elle suppose elle-même, à travers sa dimension temporelle que nous masque le corps, à travers sa dimension temporelle, elle est déjà spirituelle, selon Bergson. C'est-à-dire que, par exemple, ce morceau de sucre, ou ce n'importe, cette fleur, ou ce caillou, je les découpe comme s'ils étaient dans l'espace, mais en fait, ils appartiennent à la réalité de l'univers, qui elle-même est temporelle. Or, le temps, pour Bergson, suppose une conscience. Il faut un acte de l'esprit pour que les choses soient maintenues ensemble dans la durée, dans le temps réel. C'est pourquoi les images sont des choses, au sens où elles ne dépendent pas de mon esprit, mais elles sont aussi des représentations parce qu'elles font partie d'un acte spirituel qui est celui de la matière. Dans matière et mémoire, la matière n'est pas le contraire de la mémoire. La matière réelle est un degré de mémoire. Et ainsi, ça vous le verrez avec celui avec qui vous commenterez le quatrième chapitre, la matière est elle-même temporelle. Donc les images sont des choses au sens où elles ne sont pas en moi. Elles ne sont pas dans mon cerveau, Bergson va y insister, elles ne sont pas non plus dans mon esprit, elles sont dans le monde. Mais le monde n'est pas un mystère coupé de ma conscience, c'est un autre degré de conscience. Et c'est pourquoi il emploie le terme d'image au risque des contresens. C'est des images qui font partie en fait de la conscience du monde, plutôt que de la mienne, et donc d'une conscience tout aussi différente de moi que l'est la chose dans le réalisme qu'il appelle grossier, ce réalisme qui postule des choses et qui oublie que les choses sont dans le temps, que les choses sont vivantes, qu'il y a une vie de l'univers. Donc, si je vous comprends bien, l'espace pour Bergson désigne les modalités d'apparition pour nous de l'univers qui, lui, est essentiellement temporel. Il n'y a pas l'espace d'un côté et le Absolument. Temps de l'autre. Les choses sont d'abord temporelles et l'espace est ce par quoi je peux percevoir le monde qui m'entoure. Voilà, dans Matière et mémoire, c'est le grand livre de ce dualisme-là de Bergson. Après, ça changera dans l'évolution créatrice quelques années plus tard. Dans Matière et mémoire, l'espace est une invention de l'esprit humain, de l'esprit des êtres vivants humains pour agir, une invention liée à la vie, hein, pas une invention pour le plaisir, une invention qui nous permet de maîtriser, et qui nous oblige aussi à déformer la réalité temporelle du monde et de nous-mêmes. En fait, toute la réalité est temporelle. Le monde est temporel, c'est un flux. La conscience est temporelle, c'est un flux, c'est une mémoire aussi. Mais pour agir, je dois les spatialiser. Et notre action est d'autant plus puissante, dit Bergson, qu'elle spatialise plus. Et donc, d'une certaine façon, l'esprit humain est celui qui, comme il le dira plus tard, va jusqu'aux étoiles. Je perçois les étoiles très loin, mais en réalité, mon corps va jusqu'à elles et je suis beaucoup plus lié à elles organiquement, comme le morceau de sucre, que simplement distant d'elle par l'espace. Donc oui, l'espace, c'est ce qu'il appelle le schéma de notre action. C'est le cadre où nous mettons, pour le maîtriser, le monde temporel. Et nous le perdons, mais nous y gagnons aussi. Et l'espace est à la fois critiqué et en même temps reconnu et légitimé chez Bergson. Sans l'espace, il n'y aurait pas la science, il n'y aurait pas le langage, il n'y aurait pas l'humanité elle-même à travers ses œuvres. Et c'est le corps lui-même qui est la clé de voûte de cette position, puisque c'est parce que mon corps s'inscrit dans l'espace que les choses m'apparaissent selon cet espace. En quoi est-ce que le corps est une image particulière, comme il dit dans le texte que nous avons entendu? Parce que mon corps, hein, d'ailleurs il dit mon corps, il ne dit pas le corps, il dit mon corps parce que chaque être vivant fait de son corps, font le foyer de son action. Donc mon corps est pour chaque vivant, dit Bergson, le centre du monde. Et au fond, chaque être vivant perçoit plus ou moins pour vivre ce qui intéresse son corps. Dans d'autres textes, Bergson montre bien qu'il y a des degrés, et même d'ailleurs dans la toute dernière page de Matière et mémoire, c'est le cas. Il y a par exemple, on peut s'imaginer le protozoaire ou l'amibe. Il est pris dans le monde, mais quand même, il s'en détache un peu par sa membrane corporelle, et ça lui permet de percevoir au moins l'utile et le nuisible, un peu confusément, peut-être, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il est déjà en train de découper dans le monde ce qui l'intéresse. Mais le corps humain, finalement, et surtout le cerveau humain, que Bergson décrit comme un standard téléphonique, le cerveau humain est une machine extraordinairement perfectionnée, qui, en effet, dispose le monde autour de lui selon les capacités d'action, selon ce qui est utile ou nuisible, selon ce qui est près ou loin. Et Bergson commence par la distance avec le monde, finalement. La vie nous impose une distance avec le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il appelle perception. Et au lieu de déduire la perception des sensations que j'ai dans mon corps, c'est l'inverse. Bergson va appeler sensation ou affection. Le monde, quand il me touche, quand je ne peux plus le maîtriser du dehors, mais quand là, il vient à mon contact, et là, ça n'est plus un objet perçu, c'est une sensation intérieure, c'est un affect, et là, au fond, c'est plaisir ou douleur, et je n'ai plus le loisir de maîtriser. Et c'est pour ça, finalement, que les vivants humains cherchent à maîtriser le monde, c'est pour aller vers les bons affects, et non pas vers les mauvais, vers la vie, et non pas vers la mort. Ça, c'est une lecture spinoziste de Bergson, non ? Alors, Bergson est assez proche de Spinoza au sens où il y a, disons, le plaisir et la douleur. Il y a un vitalisme chez les deux qui fait que, au fond, nous sommes orientés par cette polarité de plaisir et de la douleur, de la vie et de la mort. Il y a plusieurs grandes différences. L'une des différences majeures, c'est évidemment que pour Bergson, le vivant est un acte temporel et libre et individuel, et non pas seulement une force qui nous traverse en nous, sans nous, une sorte de nécessité de l'univers en général. Et non, il y a des vivants individuels, il y a une création aussi chez Bergson qu'on ne retrouve pas chez Spinoza, mais les critères en sont les mêmes, effectivement. Et d'ailleurs, Bergson, c'est pas un hasard, il disait tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Il pensait aussi à lui. Et c'est du côté, par exemple, de l'opposition de la tristesse et de la joie, ils sont profondément d'accord. Maintenant, ça n'est pas le même vitalisme, et pour ma part, je me situerais quelque part entre les deux. Mais alors, que signifie le mot de vitalisme? Je vais vous demander de le définir maintenant, parce qu'on va en avoir besoin pour continuer l'émission. Ouais, je crois qu'on appelle vitalisme très simplement, hein, dans l'histoire de la philosophie. Les ismes sont toujours à la fois compliqués, parce que c'est technique, mais très simple, parce que justement c'est technique. On appelle vitalisme les philosophies qui pensent que la vie est le principe premier de tout le reste, hein, finalement. et même de ce qui lui semble le plus opposé, par exemple la connaissance ou l'esprit, ou bien même la matière et le monde. Et donc Bergson est profondément vitaliste, puisque comme je vous le disais, la matière elle-même est animée d'une vie chez lui, et en même temps parce que la vie peut expliquer toute la connaissance, et la connaissance même dans la science. Hein, et donc ça c'est évidemment très controversé dans l'histoire de la philosophie. Vous avez des matérialistes qui pensent que la vie peut se réduire à la matière, vous avez des spiritualistes, et Bergson pour certains est spiritualiste, qui pensent que dans... la vie doit se rapprocher, s'expliquer par l'âme ou par l'esprit. Alors c'est vrai que pour Bergson, comme je le disais, la vie suppose une conscience, mais justement parce que la conscience est dans un corps, parce que la conscience a aussi besoin d'agir dans le monde, parce qu'elle est mortelle et précaire et en même temps créatrice et vivante, eh bien, au fond, moi je dirais que le vitalisme l'emporte sur le spiritualisme chez Bergson, même si c'est un vitalisme, effectivement, qui suppose aussi un acte de l'esprit. Donc c'est un vitalisme bien singulier, mais c'est à coup sûr un vitalisme avec une dualité entre l'espace et la durée, entre la vie comme besoin et la vie comme création, et même entre la vie et la mort, et c'est pourquoi moi je l'inclus parmi les vitalistes critiques, c'est-à-dire ceux qui pensent que la vie se définit par cette opposition. Entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, qui se traduit aussi par les besoins, la vie comme besoin, et chez Bergson, c'est ce qui engendre l'espace et la déformation du monde, et la vie comme action, comme création, comme temporalité aussi, comme subjectivité, et donc une dualité qui traverse toute notre expérience et qui a quelque chose elle-même d'irréductible. Vous voyez, quand on met un isme, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Et le vitaliste, il dit « je ne peux pas aller au-delà, au-delà de la vie ». Mais moi, j'ajouterais « je ne peux pas aller au-delà de l'opposition de la vie et de la mort, ou de l'opposition de la durée et de l'espace, ou de l'opposition du corps et de la liberté ». Alors, on va essayer de comprendre ce que signifie tout ce que vous venez de dire. Hein. C'est dense et c'est passionnant. Et on va faire un petit pas de côté. On va laisser le livre de côté une seconde pour entendre un court extrait qui va illustrer ce que signifie que, disons, les lois de la vie, que de partir du principe que c'est la vie qui est à l'origine de la connaissance, que c'est l'urgence vitale qui guide nos actions. Et c'est ce que dira le texte qu'on va entendre ensuite. Mais d'abord, voilà, que signifie le fait que l'urgence vitale vienne se substituer à d'autres formes d'urgence, que peut-être les lois de la vie sont plus importantes que les lois, disons, de la justice. Voici l'extrait. Tiens, prends à gauche, là. C'est interdit. Oui, mais on s'en fout, on va pas faire le tour. Bon. Ok. Oui, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous? Prenez la place, j'ai pas mon permis. Et s'il m'attrape, je peux pas être VTC. Mais ça t'est pas venu à l'esprit de me le dire avant. Ça aurait changé quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en sens interdit. Oui, je sais. Et alors? Mais alors vous êtes pas au-dessus des lois, docteur. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur l'agent. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'urgence cardiaque qui m'attend rue Nollet? On la laisse crever? C'est vrai, ça? À votre avis? Faut bien mourir un jour ou l'autre, marqué, hein? Alors... voilà. Mon permis de conduire. Vous voulez voir la carte grise aussi, j'imagine? C'est bon, allez-y. Ah, oh, c'est bon, la voie est libre. Il n'y a rien à dire, je kiffe trop votre taf en vrai. Voilà ce que signifie que notre corps, que notre perception, que notre connaissance soit uniquement guidée par l'urgence vitale. L'extrait du film Docteur, réalisé par Tristan Seguela en 2019, avec le médecin Michel Blanc, que vous avez entendu, et le livreur qu'il remplace, qui vient conduire et qui en fait n'a pas le permis, c'est Annick Jemili. Eh bien voilà ce que ça illustre en fait, c'est qu'au fond, l'urgence vitale elle-même vient se substituer à d'autres formes de lois. Il n'y a que ça qui compte, et c'est comme ça que la connaissance et que la perception procèdent, Frédéric Worms. Alors, on sort d'une pandémie, on n'en est pas encore sorti. Tout nous rappelle aujourd'hui que nous sommes des vivants. Et en effet, les situations d'urgence viennent toujours nous le rappeler. Pour Bergson, c'est ce que la philosophie a toujours oublié. La philosophie a toujours pensé que la connaissance était pure théorie, pure contemplation. En réalité, ces moments d'urgence viennent nous rappeler la destination vitale de notre corps, certes, de nos actions, mais aussi de notre savoir, et par exemple la médecine. Et donc, en effet, ça nous rappelle quelque chose de prioritaire. Et tout le premier chapitre de Matière et mémoire est une extraordinaire théorie de la connaissance fondée sur la vie, fondée sur les besoins, pas seulement les plus urgents, mais aussi les plus distants. Plus c'est lointain, justement, plus j'ai de temps pour agir. Donc, l'action n'est pas seulement dans l'urgence. Mais il faut souligner que, justement, pour faire cette théorie pure de la connaissance fondée sur l'urgence ou sur l'action, Bergson nous dit « je dois suspendre un petit détail, et ce petit détail, c'est le temps ». Et il se trouve que nous ne sommes pas seulement des êtres d'agissant dans l'espace et dans le monde, à distance du monde, nous sommes aussi des êtres temporels. Et la vie n'est pas seulement urgence pratique, ce qu'elle est d'abord, hein, vous le voyez bien, ce qu'elle se rappelle à nous tout le temps, mais elle est aussi durée individuelle, création et liberté. Et chez Bergson, au fond, l'action complète, ce que vous verrez avec quelqu'un d'autre dans le troisième chapitre, c'est l'insertion de notre mémoire dans, par la pointe du corps dans le monde. Et finalement, notre vie a donc deux dimensions. Une dimension d'urgence vitale et une dimension de création et de justice aussi, d'ouverture. Et pour Bergson, l'équilibre psychologique, mais aussi moral, politique, c'est de tenir les deux bouts de notre vie. Et moi, j'ajouterais même, au fond, que on voit bien aujourd'hui que ce qui est vital pour les humains, c'est à la fois la survie corporelle, c'est premier, mais c'est aussi les créations esthétiques et les principes moraux, ce que Bergson appellera plus tard la morale ouverte, qui est tout aussi vitale aux deux sens du terme, qui surgit de la vie et sans laquelle nous pouvons mourir aussi. Et finalement, il faut étendre le concept d'urgence. Il y a les urgences qui menacent notre corps, mais nous oublions aussi que la création et la morale ouverte aussi font partie des urgences pour l'humain, vont aussi, à terme, conditionner notre survie. Il y a une différence, finalement, la priorité du corps se rappelle toujours à nous, parce que si notre corps disparaît, nous ne pouvons même plus insérer nos créations dans l'univers. Mais en même temps, évidemment, il y a un risque de tout réduire à l'urgence. Ce serait comme tout réduire à l'espace immédiat, à l'instantané du premier chapitre. Or, la plupart des contresens sur Bergson viennent de cette réduction. Il l'isole, mais c'est pour mieux ensuite, dans les trois autres chapitres, le compléter. Et en fait, voilà, il y a l'urgence, mais il y a aussi tout le reste. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faut un vitalisme qui intègre tout ce qui est vital pour l'humain, pas seulement les dangers immédiats, mais aussi les dimensions profondes. Vous voulez dire que la création est aussi une question de survie pour Bergson et pour vous, sans doute? Absolument, bien sûr, c'est même le but premier de la vie. Dans l'évolution créatrice, plus tard, il dira « le but de la vie, c'est la création ». Et finalement, c'est par sa limite qu'elle devient besoin et espace. Dans le livre suivant, Bergson va inverser les choses et la dimension pratique de la vie apparaîtra plutôt comme une limite, alors que son enjeu proprement vital, c'est la création et la durée. Et donc finalement, c'est vrai que nous sommes limités, nous avons besoin de manger, de boire, de survivre. La perception spatiale, la médecine, la science sont nécessaires pour ça. Mais en fait, tout cela n'est que l'effet de notre, certains diraient, finitude, de notre limitation. Et en réalité, le but profond de la vie, c'est la création et l'universel de la morale ouverte, que certains hommes retrouvent même par-delà l'urgence. La preuve, d'ailleurs, c'est que certains peuvent sacrifier leur vie. C'est toujours pareil en philosophie, on doit se demander pourquoi certains sont prêts, quand on est vitaliste surtout, pourquoi certains sont prêts à sacrifier leur vie. Bergson nous donne une réponse, c'est pas au nom de la mort, c'est pas au nom du nihilisme, c'est pas non plus au nom d'une idée transcendante, c'est au nom du vivant lui-même. Donc il y a une tension dans le vivant. Les vivants ne sont pas des êtres simples. D'un côté, je veux survivre, mais d'un autre côté, il y a d'autres besoins vitaux. Parfois, il y a une contradiction, c'est la tragédie, et la bioéthique la connaît bien, et aussi la tragédie humaine en général, parfois les sacrifices, mais ceux qui sacrifient leur vie pour une idée vitale, pas au nom de la mort, sont ce que Bergson appellera les héros de la morale ouverte, les héros du vivant finalement. Alors comment notre corps influence-t-il les images des objets? Comment, selon sa position, notre corps perçoit les objets d'une certaine manière qui est toujours partielle? Pensez donc au médecin qui ne voit pas le feu rouge ou qui choisit de ne pas le voir parce qu'il est guidé par une urgence supérieure. Voici un second extrait de Matière et mémoire dans lequel il explique comment le corps perçoit ce qui lui est utile. J'ai supposé que le rôle de l'image que j'appelle mon corps était d'exercer sur d'autres images une influence réelle, et par conséquent de se décider entre plusieurs démarches matériellement possibles. Et puisque ces démarches lui sont sans doute suggérées par le plus ou moins grand avantage qu'elle peut tirer des images environnantes, il faut bien que ces images dessinent en quelque manière, sur la face qu'elle tourne vers mon corps, le parti que mon corps pourrait tirer d'elle. De fait, j'observe que la dimension, la forme, la couleur même des objets extérieurs se modifient selon que mon corps s'en approche ou s'en éloigne. Que la force des odeurs, l'intensité des sons, augmente et diminue avec la distance. Enfin, que cette distance elle-même représente surtout la mesure dans laquelle les corps environnants sont assurés, en quelque sorte, contre l'action immédiate de mon corps. À mesure que mon horizon s'élargit, Les images qui m'entourent semblent se dessiner sur un fond plus uniforme et me devenir indifférentes. Plus je rétrécis cet horizon, plus les objets qu'il circonscrit s'échelonnent distinctement, selon la plus ou moins grande facilité de mon corps à les toucher et à les mouvoir. Il renvoie donc à mon corps, comme ferait un miroir, son influence éventuelle. Il s'ordonne selon les puissances croissantes ou décroissantes de mon corps. Les objets qui entourent mon corps réfléchissent l'action possible de mon corps sur eux. Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de matière et mémoire, l'essai de Bergson paru en 1896, cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Frédéric Worms. Le texte nous donne à entendre un aspect fondamental de la pensée de Bergson, qui est que la perception a un sens directement pratique. Il n'y a pas d'un côté la connaissance, la théorie, et de l'autre l'action ou même l'urgence d'agir. Dès que je perçois, cette perception est d'emblée guidée par un sens pratique, puisque c'est les objets qui entourent mon corps qui réfléchissent l'action possible de mon corps sur eux, nous dit Bergson. Oui, vous venez de résumer parfaitement le texte lui-même. Il y a d'abord quelque chose de très frappant dans son style, hein, magnifique, qui a beaucoup frappé les lecteurs, oui. Et qui en même temps a quelque chose de trompeur, vous voyez bien, parce que Bergson nous décrit la perception pure, et c'était à peu près au moment, vers 1900, où va apparaître aussi la phénoménologie chez Husserl, et puis ensuite chez Heidegger, et puis ensuite Sartre, Merleau-Ponty, par exemple en France. Et au fond, c'est un peu ce qu'on a sous les yeux. Bergson semble nous décrire le monde pur tel qu'il apparaît, à une conscience pure. Hein. Les objets se disposent autour de mon corps, etc. Or, vous voyez bien aussi que cette description n'est pas si pure que cela. Bergson parle de perception pure et ça a fasciné tous les phénoménologues. Je pourrais vous citer plusieurs grands livres, d'ailleurs, fascinés par ces descriptions. Or, en fait, cette description n'est pas si pure parce que elle est conditionnée par le point de vue concret du corps. Ça n'est pas une conscience pure comme la phénoménologie l'a cru à tort, c'est une conscience totalement orientée par, comme vous le rappeliez vous-même, les besoins du corps. Et l'un des traits significatifs, c'est que mon corps ne me donne pas uniquement un contact avec ce que Merleau-Ponty appellera la chair du monde, avec sa chair sensible, avec les odeurs, les couleurs. Au fond, le critère principal de mon corps, c'est la distance et la distinction. Plus les objets sont perçus, plus ils sont précis, c'est-à-dire distincts. C'est leur contour spatial. C'est donc toujours l'espace qui est le critère de la perception du corps. Je perçois bien ce que je prélève. Percevoir, c'est, moi je dis souvent, c'est celui qui perçoit est un percepteur. Il prélève. Il a un critère très simple, c'est l'action. Et donc, plus une perception est distincte, plus son contour est isolé. Qu'il s'agisse d'un son, d'une odeur. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. C'est plus ou moins distinct. Mais en même temps, derrière, on sent bien qu'il y a cette chair sensible du monde, qu'il y a cette appartenance à un monde coloré, odorant, rugueux ou bien doux. Et finalement, c'est aussi ce que notre corps, bizarrement, nous masque. Et le corps humain en particulier, qui est un corps dont la puissance d'agir a atteint des sommets, et c'est pourquoi Bergson l'appellera l'homo faber, l'homme technique, et finalement, il s'éloigne du monde pour le maîtriser. Toute la philosophie du XXe siècle empruntera, ou peut-être même sans le dire parfois à Bergson, cette idée. Par exemple, Heidegger, hein, qui dit que l'objet est un outil et qui va critiquer la technique. Mais pour Bergson, la technique, en effet, nous spatialise le monde pour les besoins, oublie la qualité sensible, mais sauf que c'est vital, c'est absolument vital, et ça maintient malgré tout notre contact au monde réel. Et ça n'est pas une coupure définitive, mais au contraire un besoin vital qui nous unit au monde aussi. Donc il y a ces deux facettes du vivant, et ce qu'il faut, c'est ne pas croire que cette description, aussi magnifique soit-elle, est le dernier mot de Bergson sur notre réalité. Notre réalité n'est pas seulement cette distance et cette distinction splendide, c'est aussi la durée, le temps, et notre participation temporelle au monde réel, à ses changements, parfois aussi à ses disparitions. Mais la vie n'est pas seulement cette distance pratique, mais aussi un contact temporel et réel. Donc est-ce qu'on pourrait dire que pour Bergson, l'espace est peut-être ce qui introduit une distance entre nous et le monde, mais que cette distance, oui, n'est presque qu'une surface qui recouvre un lien profond qui lui est temporel. On pourrait le voir ainsi comme deux couches différentes de liens entre l'individu et le monde, exactement. Entre le corps et le monde. Absolument. Absolument. D'un côté, cet objet est à distance de moi. J'ai l'impression qu'il y a du vide entre lui et moi. En fait, le monde est épais. Et si je arrive à dépasser cette distance, je retrouve le contact avec le monde. Et c'est possible, même si c'est difficile pour Bergson. C'est difficile parce que nous sommes des vivants, mais c'est possible. Et quelle en est la preuve? La preuve, c'est deux choses essentiellement. C'est l'art. Hein, comme vous le savez, l'art dépasse cette vision distante du monde. Nous replongeons lui dans la réalité individuelle et temporelle de chaque chose, de ce verre-là, de cette plante-là, de ce moment-là. C'est l'art et c'est aussi la liberté, l'action, qui nous oblige parfois à dépasser cette distance pour agir. Si je suis à distance, bah, je suis phénoménologue, je suis spectateur finalement. Mais en fait, je ne suis pas toujours à distance. Et aussi bien dans l'urgence vitale que dans l'acte libre, la décision grave, comme dit Bergson, ou dans l'œuvre d'art, je dépasse la distance avec le monde et je redeviens une partie des choses, mais une partie active, hein. Pas juste une sorte d'élément en fusion, une partie qui va transformer le monde et un sujet vivant et agissant. Mais dans quelle mesure est-ce que ce que Bergson affirme ici est applicable par quelqu'un qui entendrait ces distinctions-là et qui ferait cette expérience de séparation avec le monde, s'il lit Bergson et qu'il comprend que cette séparation n'est que spatiale et qu'au fond un lien temporel l'unit au monde, peut-il psychologiquement, et j'emploie ce terme à dessein puisque Bergson fait grand cas aussi de la psychologie, changer la représentation qu'il se fait du monde et de sa place dans le monde pour sentir ce lien, pour sentir cette durée? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de la volonté? En fait, comme je viens de le dire, c'est quelque chose d'à la fois difficile, puisque nous sommes structurés spatialement par l'évolution de la vie. Hein. Bergson est aussi un héritier de Darwin, de ce point de vue-là. Mais c'est possible. C'est possible soit par ce que Bergson appelle un détachement natif. Ça, c'est l'artiste. L'artiste n'est pas artiste volontairement, c'est par une sorte de grâce. Dans le rire, par exemple, Bergson dit que l'artiste est celui qui s'est détaché de l'action presque tout seul. Et c'est possible quand même par un effort de la volonté. Et ça, c'est l'acte libre. En tout cas, nous le vivons tous. Par exemple, dans une urgence vitale, je mets à distance l'amour que j'ai pour quelqu'un, la beauté de la contemplation du monde, parce que je dois agir. Mais je sais bien, en fait, que je n'agis que parce que j'ai une relation réelle avec les autres et avec moi-même. Et donc, nous sommes toujours doubles. Je pense que c'est la grande leçon de ce livre génial, qui est Matière et mémoire, c'est que la vie est double, c'est que pour agir, nous devons mettre à distance, utiliser parfois des instruments techniques redoutables, par exemple des réanimateurs dans un hôpital, c'est le sommet de la technique. Pour certains, c'est de la barbarie, ce ne serait certainement pas pour Bergson. C'est le sommet de l'action humaine pour éviter la mort. Et en même temps, bien sûr, ça nous éloigne de l'être qui est là, que nous aimons. Nous pouvons être coupés de lui provisoirement. Et il faut aussi retrouver ce lien qui est tout aussi vital que cette séparation technique. Donc oui, la vie est double. Il faut l'admettre. Je dis souvent, moi, que le vrai dualisme chez Bergson, comme en fait, il faudrait l'être partout, le vrai dualisme n'est pas entre le corps et l'esprit, mais entre la vie et la mort, entre les deux aspects de la vie, et qu'il n'y a pas à renoncer à l'un pour l'autre. Mais c'est vrai que ça n'est pas si simple, parce que l'urgence de la vie à laquelle l'évolution a répondu, par exemple par le cerveau, la technique et même la politique humaine, l'urgence de la vie peut nous éloigner du contact immédiat qui est tout aussi vivant et vital. Mais les êtres complets, nous le savons tous, vivent sur ces deux plans. Quelqu'un qui ne dirait qu'il aime le monde, mais qui ne s'en occupe pas, qu'il aime quelqu'un, mais qu'il le laisse mourir, bah, ce serait pas de l'amour. Et inversement, quelqu'un qui ne s'occuperait que de la maîtrise des choses, sans contact réel, serait lui aussi, je pense, mutilé. Et au fond, Bergson nous dit, voilà, il faut passer par cette séparation, mais il faut la dépasser. Tous les grands auteurs du XXe siècle qui l'ont lu ont pensé la même chose. Et c'est ce qu'il essaiera de faire toute sa vie. Je pense à cette ligne magnifique de Bergson dans laquelle il décrit le travail du philosophe qu'il est, qui va tenter de saisir une chose extraordinairement simple, dit-il, mais qu'il ne parvient pas à saisir par les mots, par les médiations spatiales, par le langage, et qu'il va passer toute sa vie à essayer de nommer cette chose absolument simple. Il y a toujours chez Bergson à la fois le constat d'une séparation et la tentative de coïncider avec cette simplicité extrême qui est peut-être l'essence temporelle elle-même, mais que nous peinons tant à toucher du doigt. Oui, absolument. Et on retrouverait cette intuition initiale, hein, qui est à la fois ici celle de que nous ne sommes pas seulement ces êtres vivants, mais que nous le sommes aussi. Nous ne sommes pas seulement espace, nous sommes aussi durée. C'est difficile à saisir directement, mais nous le saisissons à travers des problèmes, à travers des expériences. Et il y a aussi la devise ultime de Bergson, la fin de sa vie, qui est encore celle de, finalement qui est déjà dans le premier chapitre de Matière et Mémoire, quand Bergson disait « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action ». Et au fond, ça veut dire nous sommes dans le vivant, nous sommes des êtres agissants, mais nous sommes aussi des pensées, des consciences individuelles et avec des principes universels eux-mêmes nécessaires pour la vie. Et l'homme complet est celui qui circule entre ces deux plans. Il y a aussi cette image des plans de conscience qui équilibre ces dimensions de la vie, qui sait qu'il est tendu, déchiré, mais qu'en même temps, il l'assume et il en fait sa force réelle. Parmi les lecteurs de Bergson, et dont la pensée de Bergson a influencé la leur, on trouve notamment Georges Canguilhem, qui a écrit Le normal et le pathologique, qui paraît d'abord en 1943. Et dans le texte que vous allez entendre, il montre comment Bergson a lui-même permis de penser quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de vitalisme. Et Canguilhem va introduire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, ce que vous avez appelé, Frédéric Worms, le vitalisme critique. Voici le texte. Quand on parle de sélection naturelle ou d'activité médicatrice de la nature, on est victime de ce que Bergson appelle l'illusion de rétroactivité, si l'on imagine que l'activité vitale préhumaine poursuit des fins et utilise des moyens comparables à ceux des hommes. Mais autre chose est de penser que la technique humaine prolonge des impulsions vitales, au service desquelles elle tente de mettre une connaissance systématique qui les délivrerait des innombrables et coûteux essais et erreurs de la vie. Les expressions de sélection naturelle ou d'activité médicatrice naturelle ont l'inconvénient de paraître inscrire les techniques vitales dans le cadre des techniques humaines, alors que c'est l'inverse qui paraît le vrai. Toute technique humaine, y compris celle de la vie, est inscrite dans la vie, c'est-à-dire dans une activité d'information et d'assimilation de la matière. C'est parce que la vie est activité d'information et d'assimilation qu'elle est la racine de toute activité technique. La vie, pour le médecin, ce n'est pas un objet, c'est une activité polarisée dont la médecine prolonge, en lui apportant la lumière relative mais indispensable de la science humaine, l'effort spontané de défense et de lutte contre tout ce qui est de valeur négative. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Frédéric Worms, on retrouve dans ce texte les réflexions que vous avez apportées ce matin, notamment avec l'idée d'une activité polarisée que la médecine vient prolonger, polarisée entre la vie d'un côté et la mort de l'autre. Dans quelle mesure est-ce que Canguilhem ici est l'héritier du vitalisme de Bergson? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est les deux fondements principaux du vitalisme critique. Je défends en effet, d'une part, la polarité de la vie contre la mort, qui fait que la médecine prolonge chez les humains, mais que tout vivant connaît, évidemment, puisque tout vivant lutte contre la mort, mais aussi, justement, la place de l'humain dans le vivant. Et la force, la magie de ce texte de Canguilhem, est très proche de Bergson, en effet, c'est de dire il y a une spécificité de l'humain dans le vivant. Et cette spécificité, c'est la technique et la science. Mais ces techniques et la science sont néanmoins des fonctions vitales, comme chez Bergson, comme dans le premier chapitre et dans toute la philosophie de Bergson, et de Matière et Mémoire d'ailleurs. L'erreur que nous faisons, c'est l'inverse, c'est-à-dire nous partons de l'humain, nous avons la technique humaine, et nous pensons que la vie procède comme l'humain. C'est ce qu'on a appelé en philosophie l'anthropomorphisme. Et Bergson, comme Canguilhem, le critique. La vie n'agit pas comme un technicien humain, la vie n'est pas un artisan. Il n'y a pas de grand dessin avec un E. La vie n'a pas un esprit extérieur à elle. Et donc, il ne faut pas unir l'humain à la vie de cette façon-là. En revanche, c'est l'inverse, comme le dit Canguilhem ici magnifiquement. La technique humaine, quoique spécifique, qui passe par la science, c'est-à-dire par l'espace, par la rigueur, par la vérité, par ce qui fait qu'aujourd'hui la science peut nous guérir de certaines maladies, quoique spécifique, fondée sur l'espace, l'intelligence, la science, la médecine humaine, la technique humaine, fait partie du vivant. est une sorte de continuation du vivant, on pourrait dire, par d'autres moyens. Il y a donc deux polarités magnifiques, il y a la vie et la mort, et puis il y a la différence entre les vivants. Les vivants humains ne sont pas n'importe quel vivant, même si ce sont des vivants tout à fait comme les autres par ailleurs, des êtres qui disparaîtront avec la mort et qui peuvent créer des choses pendant leur vie. Et ce sont juste des vivants un peu singuliers, avec leurs spécificités propres, que la médecine peut illustrer parfaitement, et avec des risques aussi propres, puisque la technique peut quand même détruire aussi du vivant. Et donc, au fond, voilà ce que c'est que le vitalisme critique, c'est faire de la vie quelque chose d'ultime, mais à travers toujours une lutte contre ce qui s'oppose à elle, la mort, la maladie, et puis une différence entre les vivants. Et là, la spécificité et la responsabilité des humains est immense pour Kang Guilhem comme pour Bergson. Donc, il y a des différences entre les deux, puisque Kang Guilhem ne reprend pas la durée, l'esprit, la dimension que Bergson ajoute au vitalisme. Il est plus près, disons, de cette spécificité du vivant comme tel que nous révèle la maladie. Mais malgré tout, le vivant est aussi une subjectivité totale. Un malade, par exemple, est un sujet dans son ensemble, un sujet individuel. On ne peut pas le réduire à un dysfonctionnement. Quand Guilhem donnait comme sujet de dissertation, je ne sais pas si vous le saviez, la panne et la maladie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue une panne d'une maladie? C'est que le vivant n'est pas une machine. C'est pas juste une pièce à remplacer pour guérir quelqu'un d'une maladie. Il faut le traiter comme un tout. Et dans la pandémie que nous venons de vivre, dans les époques où le vivant se rappelle à nous, faut pas oublier que la spécificité du vivant humain, l'humain se redécouvre qu'il est vivant, mais dans le vivant, il y a aussi la redécouverte des besoins humains. Et je crois que ce que Kang Guilhem et Bergson ont un peu manqué, malgré tout, c'est une troisième polarité. C'est la polarité que moi j'appelle relationnelle, entre les vivants, avec l'amour et la haine en particulier. Mais donc, si malgré tout, ce sont des sources très profondes, parce qu'ils nous permettent de comprendre pourquoi la vie est première et pourquoi elle n'est pas réductrice, pourquoi elle est fondamentale et pourquoi elle ne nous emprisonne pas, pourquoi par exemple la santé publique peut orienter une morale sans être pour autant une disparition de la justice et de la démocratie. Et donc, je pense que oui, ce sont nos boussoles pour le 21e siècle. Mais dans quelle mesure est-ce que ce vitalisme-là et les mots que vous venez de prononcer, qui s'appliquent particulièrement au contexte que nous vivons actuellement, entraînent une conception qui serait, disons, sacralisée de la vie? Est-ce que ça veut dire que la vie est à ce point chère qu'il faut la préserver à tout prix si toute notre connaissance et toute notre perception sont guidées par la survie en réalité et qu'on inclut dans cette urgence de rester en vie aussi la création, comme vous l'avez bien dit? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tenter de rester vivant à n'importe quel prix et quel que soit ce qu'on pourrait appeler la qualité de vie? Est-ce que ça veut dire que la vie doit être conduite le plus loin possible indépendamment des conditions d'existence de chacun? C'est une vraie question. Mais moi, la vie avec un grand V, je ne sais pas ce que c'est, Adèle Vendrette. Pour moi, la vie, c'est un ensemble de forces, comme le dit la grande définition que Kang Guilhem reprend, l'ensemble des forces qui luttent contre la mort. Et dans le vivant humain, il se trouve que ces forces peuvent être en contradiction. Et que, par exemple, si pour nous est vital quelque chose comme la justice ou aussi certaines relations humaines, nous sommes prêts à sacrifier la survie de notre corps pour elle. Mais simplement, nous ne devons pas sacrifier la vie pour aggraver la négativité, par exemple, de la mort, de la haine ou de la maladie. Et je crois que non, pas du tout, il faut pas sacraliser la vie. Au contraire, la vie a quelque chose de tragique, puisque surtout chez les vivants compliqués que nous sommes, où il y a des contradictions. Et c'est ces contradictions qui expliquent que l'être humain peut sacrifier sa vie, peut aussi se suicider, parce qu'une dimension vitale peut en contredire une autre, parce que parfois, la survie de mon corps est insupportable si la survie morale, si la création morale et relationnelle de ma subjectivité a été détruite par d'autres. Donc non, je suis au contraire, moi, pas du tout dans la sacralisation, plutôt dans une tension critique, parfois tragique, mais qui est aussi une boussole, parce que l'être humain est complètement heureux quand il accorde toutes ces dimensions vitales. Et donc, au fond, nous savons bien que nous ne pouvons pas être heureux seulement sur un seul plan, même s'il fait très beau, même si on nous permet de sortir sur la plage. Normalement, l'idée d'un crime qui se commet tout près devrait nous empêcher de jouir de ce spectacle. Et donc, nous visons en effet une vie un peu complète, mais pas sur une seule dimension. Et nous savons qu'il y a plusieurs risques de mort. Donc il ne faut pas sacraliser la vie, parce que nous faisons l'expérience, au contraire, de ces tensions, de ces contradictions, mais aussi de la diversité de ces joies et de ces plaisirs. Mais est-ce que Bergson nous permet de répondre à ces questions-là? Est-ce que dans Matière et Mémoire, puisque c'est le livre que nous lisons cette semaine sur les chemins de la philosophie, oui, est-ce que derrière les considérations philosophiques, avec leur aspect absolument pratique, sur lesquelles nous avons insisté et nous continuerons d'insister, il y a une réflexion qu'on pourrait appeler éthique? chez Bergson. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, Bergson a été très, très prudent, très progressif. Hein, sa morale, il l'a donnée 30 ans plus tard dans Les deux sources de la morale et de la religion, et même un peu plus que 30 ans, en 1932, 36 ans après Matière et mémoire. Mais évidemment, il y a déjà une dimension éthique. Cette dimension viendra au troisième chapitre avec le sujet libre, l'action libre. Et la question, c'est comment inscrire cette liberté à travers le corps dans la vie. La liberté, pour Bergson, n'est pas juste une pensée pure. Elle doit s'inscrire dans le monde et elle doit franchir les contraintes de l'action. D'où la devise que je vous citais. Ça, c'est une devise de Matière et mémoire, j'allais dire. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Ça, c'est la morale profonde de Matière et mémoire. Action et pensée. Et d'une certaine façon, c'est donc une morale concrète. Par contre, qu'est-ce qui manque encore ? Eh bien, c'est le fait que l'obstacle n'est pas seulement le corps, l'obstacle n'est pas seulement le besoin, l'obstacle c'est aussi la guerre et la haine, ce que Bergson appellera plus tard la clôture, la morale close. Et c'est seulement en 1932 que Bergson découvrira que agir en homme de pensée, c'est aussi lutter contre les sociétés closes, et que c'est un critère qui vaut partout, et que finalement la vie nous donne son propre critère avec l'ouverture contre la clôture. Il lui faudra une guerre pour découvrir ça, et c'est entre deux guerres qu'il l'aura énoncé, mais je crois que ça a quelque chose de définitif, et que c'est l'observation des conflits humains qui finalement va lui donner le vrai problème de la morale. La morale, vous ne la trouverez pas entièrement dans ce livre de métaphysique, tant que vous n'avez pas étudié les relations entre les hommes, et notamment l'épreuve de la guerre. Lévinas le savait bien aussi, qui s'inspirera de Bergson sur ce point. Ben, tant que vous n'avez pas fait l'épreuve de la guerre, vous ne savez pas ce qu'est la morale. Merci Frédéric Worms, on peut refermer ce premier chapitre. Lisez-le évidemment, chers auditeurs, et peut-être d'ici demain, parce que demain on ouvrira le second chapitre. Lisez-le. Qui s'appelle De la reconnaissance des images, la mémoire et le cerveau. Bah oui, on continue la semaine évidemment. Merci beaucoup d'être venu ouvrir cette série sur matière et mémoire, Frédéric Worms, ce matin. Merci à vous de me l'avoir permis. Et comme le disait Bergson, la vie c'est remplie d'images, c'est ce que chante Romain Didier. La vie c'est remplie d'images, de très vieilles photos. Il y a les journaux en première page, les belles au labo. Pas le temps de développer, qu'on nous dit derrière, le film a été voilé, faudra bien s'y faire. La vie s'est remplie d'images, de comptes à rebours. Un album de 800 pages, c'est beaucoup trop court. On prend pas le temps de poser, que déjà derrière, le jour vient de se coucher. Y a plus de lumière. La vie s'est remplie d'images, de ports, de bateaux, de souliers peints au cirage qui résiste à l'eau. On a eu beau les cirer, les brosser derrière, ils ont connu les marais, les coques à l'envers. La vie s'est remplie d'images, de boîtes à gâteaux, où les souvenirs s'étagent, canines et couteaux. On pourra tout recompter, en faire l'inventaire, parfois même la refermer, apprendre à se taire. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même, incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vacances ou pas, confinement ou pas, télétravail ou pas, jour férié ou pas, bizarrement, un dimanche soir reste un dimanche soir, comme une fin de partie, nostalgique, lente et pesante. Pourquoi un dimanche soir reste-t-il, quoi qu'il se passe, un dimanche soir ? Le ministre du Travail, M. Boulin, a depuis quelques jours sur son bureau un rapport sur l'aménagement du temps. Ce texte étudie la répartition possible pour les 10 années à venir entre le temps de travail et le temps des loisirs. L'un de ces chapitres intéresse au premier chef les consommateurs. Les grandes surfaces qui ouvrent le dimanche pourraient être désormais plus nombreuses partout en France, principalement pour les achats que l'on appelle de caractère familial, comme les meubles. Il semble qu'il y ait un consensus pour ébranler un peu plus encore la notion si longtemps sacro-sainte du repos hebdomadaire le dimanche. Chaque dimanche, c'est la même chose. Dès la fin du goûter, on sent que c'est déjà la fin. C'est la fin du week-end, du repos, de la fête, des jours sans heure ni lendemain, et qu'une autre et énième semaine va faire son apparition. On anticipe déjà celle-ci, les rendez-vous, les retards, les dossiers à rendre, les mille et une choses à faire et qui vont nous agacer. Un sentiment vague et sombre nous envahit avant même que la journée ne soit finie et que le lendemain n'ait débuté. Ce sentiment, je pense pouvoir l'affirmer, on l'a tous et toutes plus ou moins ressenti. Certains parlent de blues, d'autres de fatigue ou de peur. On tente, chacun à sa manière, d'en trouver la raison, angoisse de l'enfance, séparation des parents ou du foyer, devoir à finir, stress du travail ou des examens, lundi bleu généralisé, fin de la fête ou fonctionnement chimique du cerveau. Mais au fond, peu importe, ce malaise dominical résiste. Et il résiste d'autant plus qu'il ne connaît pour sa part pas la crise. J'ai pu en faire l'expérience ces dernières semaines où, malgré une sédentarité incontestable et une perte de repères temporels manifeste, venue le dimanche après-midi et les heures passant jusqu'au moment du coucher, j'ai ressenti ce même inconfort. Comme si ce jour se rappelait à moi, à mon âme et à mon corps, quoi qu'il se passe et quoi que je fasse. Alors pourquoi ? Pourquoi, au-delà des raisons psychologiques, chimiques et politiques, ce jour-là, ce jour de repos où il ne se passe pourtant rien, qui n'en lui-même pourtant rien de remarquable, nous marque-t-il autant ? Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Ce qui est d'autant plus frappant avec les dimanches, c'est qu'ils commencent tous pourtant très bien. Le dimanche matin, c'est toujours doux, c'est toujours souriant. Alors pourquoi deviennent-ils si durs et si tristes ? Comment se transforment-ils en malaise au fil des heures ? Leur inconfort grandissant, leur morosité sont-ils inversement proportionnels à leur sérénité et à leur couleur matinale ? Au fond, la question est là. Que se passe-t-il entre le matin et le soir ? Que perdent ces dimanches pour ressentir au final un tel vide ? Car quand on y pense, un dimanche n'est fait de rien. C'est la journée du repos, de la détente, c'est du temps libre, sans horaire ni obligation. C'est le jour des gueules de bois, du poulet rôti, des gâteaux et des promenades. C'est un jour inconsistant, entre deux, sans événement. Voilà, l'événement du dimanche est d'être sans événement. Alors de quoi peuvent-ils bien se vider ces dimanches s'ils sont déjà faits de vide ? Le paradoxe est là. Cette sensation de vide qui apparaît non pas face au vide, à l'absence d'événement, à l'inconsistance du dimanche, mais à l'approche de sa disparition. Et si donc cette morosité du dimanche soir, presque innommable, indicible, semblait apparaître non pas à cause du vide, mais au contraire, au moment où ce vide commençait à disparaître ? Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais y a pire que la semaine, y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Joyeux les dimanches, joyeux les dimanches. Tout le problème est donc là. On croyait que le malaise du dimanche soir tenait à son inconsistance, à cet entre-deux, entre les loisirs du samedi et les obligations du lundi. Mais c'est peut-être cette indétermination qui, finalement, nous rendait heureux au matin. Alors comment la préserver ? Comment préserver cette sensation d'absence d'événement, de liberté, de disponibilité au-delà des heures ? Comment en garder la couleur sans la morosité ? Mais le faut-il d'ailleurs ? Eh bien peut-être pas, car le signe de ce malaise a quelque chose de métaphysique. Il nous rappelle le vertige du non-événement, l'éclat sombre de l'heure creuse, la profondeur du rien. Un dimanche soir reste un dimanche soir et le restera même si on n'a aucune perspective, aucune obligation à venir. Car il y a précisément contenu dans ce moment inamovible une chose irréductible, le rappel hebdomadaire qu'on peut beaucoup, mais qu'on reste quand même peu de choses. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. I Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Clara de Giovanni, avec Isis Jourda, Manon de Lasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son depuis Radio France, c'était Nicolas Delmas. Merci au CDM de Radio France d'avoir assuré la liaison. À la lecture des textes bergsoniens cette semaine, c'est Éric Herson-Macarel. On se retrouve demain pour la lecture du deuxième chapitre de Matière et Mémoire. Ce sera Yela Kisukidi qui viendra vous parler de cerveau et de mémoire. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours et peut-être plus que jamais, réécouter et télécharger cette émission. Vous pouvez la podcaster pour l'écouter au moment de la journée que vous choisissez. Et sachez aussi que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, où on est toujours ravis de vous lire et de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. On se retrouve demain à 10h, donc d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.